Eh mon Dieu, faudrait que tu m'écoutes. Bénis mes frères et sœurs, car ici la chance échoue. Entends-tu mes prières, faites le soir. J'ai beau pleurer, mais mon bonheur fait le sourd. Alors je me plonge dans ma cesse, le paradis me tourne la veste, l'enfer me prête sa selle. Sœur qui comptait à part le grand homme dans les cieux, j'emmerde la mort et je peux lui dire droit dans les yeux. Je veux vivre en paix, mais ce n'est pas calme ici. Tellement tout si qu'on attrape la calvitie. Les ennuis m'appellent, ils ont mon 06. Le gerbé sur le net envoie des mails aux pédophiles. Trop pessimiste, ils me font un marabout. Mal, j'en ai marre, il me faut plus qu'un mal à barre. Les bons moments sont speed, tout comme en BPL. Le bon côté de la vie a terminé sous mes TL. Surtout les angles, c'est comme ça tout, les ans. Tout le monde ouvre les ailes, mais surtout les anges. On va partout, les temps de l'avenir ont dépend. Le bien, le mal, mais de quoi on se défend. Ah, on se défend tout, déjà. Si, si, tout le monde compte autour de nous. Mais si, franchement, j'ai toujours dit, on, la personne sur qui faut compter, c'est soi-même. Y'a que ça qui compte, faut compter sur personne d'autre. Pendant 10 ans, je voulais dire, papa, tu déconnes, je me croyais important, mais je faisais partie du décor. Je voulais dire à Christophe, tu sais, tu nous manques, ton départ était rapide, j'ai pas aimé son dénouement. Alors je regarde en l'air, vers le firmament. Après ce son, j'irai dire je t'aime à ma chère maman. J'aurais aimé connaître la peine le plus tard possible. Elle m'a donné goût à l'alcool et de faire le connard aussi. À mes potes, merci pour votre aide. Si les putes se bouffent entre elles, personne nous prend en traite. Je reste dans mon coin, tu sais. On me dit réservé, j'évite les cauchemars tant qu'on me laisse rêver, mais je l'assume. Si on me dit sensible, petit génie, je n'ai qu'un souhait, qu'on me laisse tranquille. Désolé, j'ai pris la peine pour me l'approprier. De toute façon, y'a qu'elle qui m'aime vu qu'elle l'a trop crié. On perd sous tout, les angles, c'est comme ça tout, les ans. Tout le monde ouvre les ailes, mais surtout les ans. On partout, les temps de l'avenir ont dépend. Le bien, le mal, mais de quoi on se défend, mon frère. Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, j'ai besoin de savoir. Mais t'as besoin de savoir quoi? Je me réponds. Mais ça mène à rien ton truc, là, j'ai pas envie de répondre. Maintenant, je réponds pas. J'ai égaré mes mots, resté coincé à la gare. Man, j'ai le seum, mais ce n'est pas par hasard. Sauvé, non pas encore, de l'échec, ballon d'or. Le chétan m'attend, il est arrivé pile à l'heure. Le combat dur, tente de retrouver mes lettres. Dur de dire je t'aime, rien au bout de mes lèvres. Mes sentiments sont écorchés, noyés dans l'alcool, okay. Plus qu'il écorcé. Je parle tout seul, tu sais, j'ai sans doute besoin d'une thérapeute. Oui, j'écris, mais dis-moi pour moi tout ce que ton peur a peu. Constamment dans ma tête, tu sais, c'est le désordre. Du mal à faire le sourd quand c'est ton cœur qui te donne des ordres. On se protège de tout car rien fait mal. Tu sais, c'est difficile d'aimer avec un cœur flemmard. J'ai longtemps cru que l'amour n'était qu'une promesse éphémère. Désormais, je sais que j'ai trouvé la femme que je ferai mère. Les angles, c'est comme ça tout, les ans. Tout le monde ouvre les ailes, mais surtout les ans. À partout, les temps de l'avenir ont dépend. Le bien, le mal, mais de quoi on se défend. Ah, on se défend tout, déjà. Si, si, tout le monde compte autour de nous. Mais si, franchement, j'ai toujours dit, on. La personne sur qui faut compter, c'est soi-même. Y'a que ça qui compte, faut compter sur personne d'autre.